Bonsoir. Tout au long de cette semaine, nous avons exploré les différents domaines du chant religieux dans son extraordinaire vitalité au XIIe siècle. Le chant grégorien, les monodies d'Hildegarde de Bingen, l'esthétique musicale cistercienne, et puis dans les villes, à partir des années 1150, l'épanouissement des cathédrales gothiques, et dans leur sillage, une musique nouvelle, polyphonique, de plus en plus complexe. Dans les monastères, le chant porte à prier, à contempler ou méditer. Dans les cathédrales, il est là pour rehausser la somptuosité des offices. Mais le chant religieux sort aussi du cadre proprement liturgique. C'est le cas notamment en Espagne, un peu plus tard, à la cour d'Alphonse le Sage. Alphonse X de Castille, dit le Sage, est un exemple de ce que la chrétienté médiévale a pu donner de plus raffiné. C'est un monarque cultivé, avide de savoir, poète, musicien à ses heures, qui a réuni autour de lui des astronomes, des scientifiques, des intellectuels, des troubadours. Pendant les 15 dernières années de sa vie, le roi a lancé un grand projet religieux, musical et poétique. Il a décidé de rassembler en un même ensemble une série de pièces consacrées à la Vierge, des pièces à la frontière du profane et du sacré, intitulées Cantigas, qui racontent des miracles de toutes sortes réalisés par la Vierge. Ces Cantigas de Santa Maria sont l'une des œuvres les plus étonnantes du Moyen-Âge. Les textes sont tour à tour pittoresques ou méditatifs, et la musique est d'une grande variété de timbres et de rythmes. Cantiga 209. Comment le roi Don Alphonse de Castille tomba malade à Vittoria et sentit une douleur si forte qu'on pensa qu'il allait mourir. On lui mit dessous le livre des Cantigas de Santa Maria et il guérit. Je vous dirai ce qui m'arriva gisant à Vittoria si malade que tous pensaient que j'allais mourir séant. Et nul n'attendait ma guérison. Une maladie me vint de sorte que je la croyais mortelle, et suppliais à tout instant, « Sainte Marie, aide-moi, et défais par ta vertu cette douleur. » Les médecins ordonnaient que l'on me mît des linges chauds, mais je m'y refusais et demandais que l'on m'apportât le livre de la Vierge. Aussitôt fait, je trouvais de suite la paix. Je ne me plaignis pas, et ne sentis point de douleur, mais je me trouvais très bien, et j'en rendis grâce à la Vierge. Nombreux furent ceux qui montraient de la peine à me voir souffrir et qui fondaient en larmes tous devant moi à la file. Quand ils virent la grâce que me fit cette Vierge sainte, dame de grande gloire, ils la louèrent beaucoup en cette occasion, et tous mirent leur visage en terre. On ne sait pas exactement quel a été le rôle du roi, s'il a beaucoup composé lui-même ou s'il s'est contenté de réunir des pièces. Ce qui est sûr, c'est que ces cantigas sont bien nées de son initiative et qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'un vaste projet culturel. C'est ce que nous rappelait en juillet dernier Pepe Rey, le directeur musical de l'ensemble SEMA, ensemble espagnol spécialisé dans l'interprétation des musiques médiévales. La intention d'Alfonso X est précisément le projet culturel, de faire une culture accessible pour tout le monde. Il bebe en las fuentes de, sobre todo de los escritos árabes y a través de los escritos árabes de los griegos. Le projet culturel d'Alphonse X le Sage, précisément, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Sage. C'est parce qu'il a souhaité, en réalité, modeler une culture accessible à tous. Et c'est pour ça qu'il s'est entouré d'un collectif, en réalité, de savants, et qu'il a choisi de traiter, de faire traiter l'ensemble des sciences, l'astronomie, l'histoire, etc., à partir des sources arabes et latines principalement. Et alors, ces différents traités, disciplines scientifiques par discipline scientifique, il a choisi de les faire rédiger en castillan, parce que déjà très peu de gens parlaient le latin en cette fin de XIIIe siècle. Voilà le but qu'il s'est fixé. Pourtant, les cantigas ne sont pas en castillan. No están en castellano, precisamente es la única obra de Alfonso X que no está en castellano. Para mí es muy claro lo que esto quiere decir. Il est très clair que si Alphonse X le Sage a choisi le galicien ancien pour écrire les cantigas, qui sont finalement le seul recueil, le seul traité qui ne soit pas écrit en castillan, c'est parce qu'il accordait à ce galicien une valeur de vecteur pour la poésie. Et il voyait en elle la langue poétique par excellence plutôt que le castillan. Alors à cette époque-là, il y avait des poésies en castillan, mais dont la fonction, pensée par les clercs de l'époque, c'était beaucoup plus d'être le vecteur, là, de la doctrine religieuse. Donc elle avait une fonction, comme ça, pédagogico-mnémotechnique, et le propos était tout à fait autre avec les cantigas. Comme sous les yeux, Alphonse X avait le modèle de la langue provençale, aussi des succès de la langue provençale, à charrier la poésie des troubadours provençaux, eh bien, c'est un petit peu ce qu'il a voulu faire aussi avec la langue galicienne. Oh. gran tempo che dall'innoce burlava e a cosa che queria persina essa mostrava ed esta disa salas la linea se mandava ed eu già l'incata al sogno con poco che stalla come non salta Maria come via lingua se sa presta e giunca che la solta là come non salva Maria come Pepe Rey. Podríamos encontrar al abrir las cantigas dos puntos de vista, podríamos enfocar. Début, Alphonse Dissosa, j'ai pensé faire 100 cantigas. Alors, c'est pour ça qu'il y avait un prologue et puis il y avait un épilogue qui était la 101, la 101e cantiga. Après, il en a fait 200 et puis 400. Et finalement, celle qui était la 101 est devenue la 401. Et là, il y a une structure par 10 dans les cantigas. Chaque 10 cantigas, il y a une cantigas de louange, de l'or. C'est l'or, L-O-O-R, très beau mot galicien, donc du 13e, pour dire la louange, là, à la Vierge Marie. Et les 10 cantigas d'avant et d'après sont toujours des textes qui relatent un miracle. Qui relate un miracle qui s'est passé ici, passé là, on raconte ce miracle. Et puis après, quand 10 cantigas sont passés, il y a comme cette récurrence. Ces miracles sont pour la plupart des miracles de la Vierge, parce que les cantigas s'inscrivent dans le cadre d'un développement général de la spiritualité mariale au XIIIe siècle. Oui, les cantigas s'inscrivent dans un grand mouvement, je veux dire, de foi, de propagation de la foi, en particulier mariale, mais spécifiquement, elles sont une démonstration d'humanisation. Alors, elles s'inscrivent dans un mouvement d'expansion de la foi et de la foi mariale. Bon, et on va pas là rappeler qu'il y a le mouvement des Lourdes en Italie, qu'il y a les franciscains, qu'il y a évidemment toute la construction des cathédrales consacrée à la Sainte Vierge. Bon, c'est un mouvement d'ensemble dans la chrétienté, mais les cantigas sont en même temps très proches de l'homme. Elles racontent des histoires toutes simples, de la vie toute simple de tous les jours, de quelqu'un qui a perdu une clé et qui demande à la Vierge de le lui trouver, du roi qui chasse une aigrette, un petit héron, il l'a, mais elle tombe dans la rivière et il y a un enfant qui le lui récupère dans la rivière et comme ça le roi peut manger le produit de sa chasse. Bon, des histoires de ce genre, avec intervention de la Vierge. Bon, tout ça dessine un profil finalement très humain de tout ce qui se passe dans les cantigas. Voilà, c'est un petit peu la différence entre ces poésies castillanes qui sont des vecteurs de la doctrine et dont la finalité pédagogique, et puis les cantigas qui, finalement, utilise une langue très charnelle, pétrie d'émotions et finalement très proche de l'homme de cette époque. Les cantigas sont conservés dans des manuscrits magnifiques, avec beaucoup de miniatures. On y voit en particulier des instrumentistes. Sait-on si ces miniatures correspondent à une pratique instrumentale réelle ? Si, hay dos manuscritos fundamentales que están en el Escorial. Hay otro también en Florencia. Bon, il y a quatre manuscrits, il y en a deux qui sont conservés à l'Escorial, il y en a un qui est à Tolède, l'autre qui est à Florence. Bon, et en frontispice, il y a une page entière avec huit petits tableaux teints qui nous renseignent de façon très précise sur la vie quotidienne de l'époque, depuis des corridas de taureaux jusqu'à l'architecture d'une ville, en passant par les flacons qu'on peut trouver chez l'apothicaire ou l'atelier de tel ou tel artisan. El otro de los manuscritos del Escorial, el que tiene la colección más completa de 400 cantigas, porque el de las miniaturas grandes, la colección más amplia de miniaturas, solo son 200 cantigas. El que tiene 400 cantigas, que representa el estadio final de la colección, ce manuscrit avec les vignettes, avec les tableaux peints, celui-là, il a 200 cantigas. Bon, c'est pas celui qui est exhaustif, celui qui est exhaustif avec les 400 cantigas, l'Escorial. Alors celui-là, il nous présente des petites vignettes, toutes les 10 cantigas, lors des fameuses cantigas de louange. Alors on a une petite vignette là, où on voit le plus souvent deux instrumentistes. C'est une scène où apparaissent deux instrumentistes, parfois un seul, mais souvent deux. Et donc là, on a tout un instrumentarium qui défile, dont il faut dire en réalité que c'est pas forcément de tous ces instruments-là qu'on jouait à la cour d'Alphonse X pour interpréter les cantigas, parce que de temps en temps, on voit des scènes de bergers, des scènes bucoliques, qui n'ont rien à voir avec ça, parfois des instruments qui sont instruments purement héraldiques, comme des agnafiles, qui sont une espèce de trompette. Parfois, il y a des vignettes qui nous racontent ce qui se passait quand on faisait de la musique à la cour d'Alphonse X le Sage. On voit le roi entouré d'un certain nombre de musiciens, et là, oui, on peut penser que c'est un bon reflet, que celles-là sont un bon reflet. los instrumentos más habituales en la música cortesana, en la corte de Alfonso X, y no solo, pero en la corte de Alfonso X son la viola, el viol, vihuela en castellano, es decir, un instrumento de arco, muy desarrollado ya en esa época. Des instruments archets, type viola, archet, vihuela. Ça, c'est une première famille d'instruments. Des instruments à cordes pincées avec un plectre type luth. Et puis on a des instruments de percussion, de petite percussion, comme le tambourin, comme tous les instruments de petite percussion. Lo que se llama posteriormente instrumentos bajos. Están los instrumentos altos, de hautbois. Instrumentos de viento más caracterizados. Fondamentalement, il faut discerner ce qu'on peut appeler les instruments hauts, où on trouve les vents, etc. Et puis les instruments bas, cordes pincées, instruments à archet, même le psalterion, sont des instruments dont le rôle finalement quand même est secondaire par rapport au rôle primaire de la voix. Hein, c'est la voix qui raconte une histoire et qu'il s'agit d'accompagner avec des instruments. La raison profonde pour laquelle Alphonse le Sage a réuni ces étonnantes cantigas a fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup écrire. D'après Pépé Rey, dont nous entendions les propos, il est possible que le roi ait décidé cette entreprise pour des raisons personnelles. Il avait été blessé d'un coup de sabot au visage par son cheval. La blessure s'était transformée en cancer, un cancer dont le roi est mort quelques années plus tard. Le projet des cantigas aurait donc peut-être été inspiré par l'approche de la mort. Quoi qu'il en soit, le roi était très attaché à ce recueil, et lorsqu'il est mort, il a voulu, ultime volonté, que ses cantigas soient conservés là où son corps serait inhumé. La volonté a été respectée, et pendant très longtemps, les manuscrits sont restés là où se trouvait sa sépulture. C'était Les Chemins de la Musique par Laetitia Le Guay, réalisation Simone Ronger et Georges Adaden.